On va parler des Aigles de Robert Valls. Ça va être ça, finalement, le nom de la nouvelle équipe du pavillon de la cité étudiante de Robert Valls. On sait qu'on a annoncé il y a quelque temps qu'il y aurait une équipe en division 1. Mais là, il va y avoir une équipe, il y aurait deux autres équipes, une division 2 qui est déjà annoncée. Puis on parle même d'une troisième équipe. Et on va en parler avec celui qui est en charge du programme, Simon Gaudreau. Salut, Simon. Bonjour, Denis. Simon, avant de parler de tout ça, je veux te parler de ton ancien rôle avec les Saguenayens. Parce qu'il y a une grande nouvelle aujourd'hui qui est annoncée par le retour de Patrick Roy avec les Remparts. Puis, Saguenayens Remparts, c'est avec Patrick Roy, c'est pas pareil, pareil, pareil. T'aurais-tu aimé ça, connaître cette rivalité-là, dans le fond? Parce que ça, quand tu vois ça, là. Ben, j'aurais aimé ça. Je veux dire, Patrick Roy, c'est un entraîneur comme un autre. Je veux dire, oui, il y a de l'expérience dans la Ligue nationale, mais il y en a d'autres aussi dans la Ligue cette année qui avaient de l'expérience dans la Ligue nationale. Oui, c'est un ancien joueur, etc. Mais, tu sais, Mais je ne l'ai Patrick, pas c'est vécu pas. avant la rivalité. Mais Simon, Patrick, c'est pas quelqu'un Ouais. d'autre, là. C'est pas comme quelqu'un d'autre, là. C'est spécial, Patrick. Ben, tu me demandes, tu me poses la question à Ouais. moi, c'est spécial, Patrick. C'est peut-être spécial pour toi, Patrick. Pour moi, ben oui, c'est vrai. Patrick Roy, le joueur, c'est spécial. Il a foutu dans la Ligue nationale, mais j'aurais été avec les Saguenay l'année prochaine. Et OK. puis, ça aurait été un entraîneur comme un autre. Ça aurait été un adversaire comme un Ouais. autre. Puis, on aurait préparé notre équipe en fonction du jeu contre les Remparts de Québec et non Patrick Roy. OK. Simon, on va parler maintenant finalement des Aigles de Robert Valls. C'est le même que ça va s'appeler, le programme. Division 1, on a fait une entrevue. Mais là, vous avez annoncé une division 2, puis même des rumeurs d'une division 3, d'une troisième équipe. Quand tu regardes ça, tu vas avoir pas mal d'ouvrages l'année prochaine. Oui, c'est certain. On est en train de tout mettre les choses en place. Juste pour te reprendre, là, on a une équipe Benjamin Division 1. On a maintenant une équipe Juvénile Division 2. Ouais. Et on a fait une demande pour un cadet Division 2. On est en attente. OK, C'est juste c'est que correct, c'est on n'a beau. pas l'équipe ou quoi que ce soit, mais on n'a pas de demande de fait là, en Division 3. La OK. Division 3, c'était juste une petite ligue là, dans les journées pédagogiques des jeunes là, OK, que OK, OK. les Mandelins, etc., se regroupent pour faire une espèce de tournoi qui durera un an. Mais là, on est en attente de l'équipe cadet Division 2. OK, puis ça, tu vas avoir la nouvelle quand? La réponse On que. parle là, on parle d'une nouvelle on attend une réponse d'ici le 7 mai. 6-7 mai, OK. Donc, t'aurais, c'est mité très, très bientôt. Là, le comment ça va fonctionner? D'abord, le recrutement des joueurs, est-ce que c'est commencé dans les deux cas, pour les deux équipes? Oui, c'est commencé. On a envoyé des lettres d'invitation au Benjamin, là, les 2006, les secondaires 1 qui s'en vont, ben, les sixièmes années de cette année qui s'en vont secondaire 1 l'an prochain. OK. Les lettres d'invitation sont parties avant le juvénile, étant donné qu'on a eu l'équipe avant le juvénile. Donc, les inscriptions vont bon train. On a envoyé, moi, c'était vraiment important pour moi d'envoyer des lettres à tous les jeunes de la commission scolaire Pays des Bleuets. Donc, tous les jeunes, puis oui, double lettre, puis oui, simple lettre, de Saint-Félicien, Dolbeau, Roberval et les environs ont reçu une lettre d'invitation. Puis c'est libre à eux maintenant de s'inscrire au camp d'entraînement qui va se tenir du 14 au 17 mai prochain à l'aréna Marianne Saint-Gilas, Saint-Félicien. On le fait vraiment sur une forme de. On fait vraiment le camp, pour l'instant, Benjamin et Juvenile, sur une forme de camp là, où ce que les jeunes vont venir chercher un bagage. C'est pas juste une évaluation de joueurs, mais c'est vraiment des pratiques qu'on va donner. Et puis, le jeune va partir vraiment avec un bagage. C'est important pour nous. OK. Dis-moi, dans Division 2, il y a des équipes où? Les équipes, le calendrier n'est pas encore sorti. Les deux équipes OK. ne sont pas encore sorties. On sait que Jonquière, c'est la seule autre équipe au sein de Lac-Saint-Jean, en Division 2, en Juvénile Division 2. Il y a nous, OK. Jonquière. Ensuite de ça, là, on sait qu'il y en a à Montréal, à Chaîne-Bleue, dans le coin de Vaudreuil-Dorion, mais les divisions ne sont pas encore établies et le calendrier non plus. OK, mais c'est pas une nouvelle ligue là, comme la première, comme l'équipe de Division 1, c'est ça? Exactement. C'est comme des clubs écoles des divisions 1. OK. Est-ce que le joueur. Donc, tu es en train de me dire qu'un joueur pourrait monter de la en cas de blessure, parce que dans le civil, il y a ce qu'on appelle les PE. Mais dans le scolaire, un joueur pourrait monter de l'équipe de Division 2 à Division 1? Oui, exactement. Comme mon Benjamin Division 1 pourrait aller remplacer, exemple, si on a l'équipe cadet division 2 pour aller remplacer dans le cadet division 2. OK, OK, OK. Dis-moi, les instructeurs, tu donnes jusqu'à quand? Parce que là, vous allez nommer des instructeurs. On m'a dit que tu m'as dit on va nommer des instructeurs bientôt. Là. Tu donnes-tu jusqu'au mois de juin à peu près? Ben oui, mois de juin, c'est un beau mois. Je vous dirais que là, j'ai rencontré des gens. On regarde les gens dans l'école qui ont le désir de s'impliquer, qui ont de l'intérêt à s'impliquer. Ça, c'est dans un premier temps. On est en train de regarder ça. Ensuite de ça, là, si on n'est pas capable de combler, on va ouvrir les postes pour des postes d'entraîneurs là, au sein de notre programme à l'externe. Donc, on est en train de regarder toutes les options par rapport à ça. Puis, essayer justement là, de travailler avec les gens de notre école. Ensuite de ça, de couvrir aux personnes. OK, OK. Dis-moi, si on parlait maintenant du côté... Je veux te parler de Dolbeau, mais ça signe ici. Actuellement, c'est tout à Roberval, les équipes de cet étudiant, mais tu vas avoir des joueurs de la commission scolaire, tu vas avoir des joueurs de un peu partout. Est-ce que ça va être possible à un moment donné, je te pose la question, là, si ça va être possible à un moment donné de peut-être avoir des matchs en concours à Dolbeau, mais ça signe ou quelque chose de même? Il n'y a rien qui est fermé à aller jouer des matchs sur notre territoire. On est vraiment pas fermé à ça. C'est sûr qu'on veut faire connaître le produit. Mmh. C'est vraiment une bonne question. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé et puis qu'on va regarder là, avec dans le fond, on a une grosse rencontre au RSEQ à Montréal à la fin mai. C'est là qu'on fait notre calendrier et notre horaire. Donc, à partir de ce moment-là, on va savoir plus notre plage horaire puis on va être en mesure de voir si on peut placer des matchs à l'extérieur de Roberval, par exemple. Si on peut aller jouer un match à Dolbeau, si on peut aller jouer un match à Saint-Félicien, par exemple, ou vice-versa. OK. Ça, c'est pas juste des matchs hors saison, ça pourrait être des matchs de saison. OK, ben oui, c'est ça. Ça pourrait être même des matchs de saison parce que c'est sûr que. Parce que c'est sur tout le territoire, puis voir les joueurs de Dolbeau, là, aussi. On se contourne pas d'histoire, puis même de Saint-Félicien, mais étant donné que je suis plus à Dolbeau, la station, ben c'est sûr que je te pose la question. Ben Simon, gêne-toi pas, on est là pour ça, donc je vous annonce qu'à toutes les semaines, on va avoir une chronique avec Simon pour parler des trois équipes. C'est sûr qu'on fera pas une chronique, on fera pas trois chroniques, on va faire une chronique que Simon va nous parler à toutes les pour faire un compte-rendu de toutes les équipes, puis ça va commencer cet automne, mais on va se parler bien avant ça. Faire attention, là, c'est pas trois équipes pour l'instant, c'est seulement deux équipes. Ouais. Pour l'instant, on croise les doigts d'avoir notre troisième, mais pour l'instant, c'est seulement deux équipes. L'hockey féminin, est-ce que c'est quelque chose, je sais que c'est beaucoup moins développé, là, mais est-ce que c'est c'est quelque chose qu'on pourrait regarder? Ben, c'est une bonne question, mais tu sais, je peux pas m'avancer étant donné que je connais pas les chiffres là, de nombre d'inscriptions de filles sur le territoire. Et les filles sont bienvenues à venir dans ton programme aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Je sais qu'il y a les rebelles là qui ont leur lit, qui ont leurs installations. Est-ce qu'on est en mesure de faire plus qu'une équipe compétitive par secteur? Je connais pas la réponse, je sais pas, je ne devrais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est sûr que les filles sont bienvenues dans notre programme aussi. Ouais, ben puis c'est sûr qu'on sait pas, on connaît pas les ligues, on connaît pas ainsi de suite, mais je pense que c'est quelque chose à développer peut-être éventuellement aussi là. Ben, je sais que les rebelles ils ont le programme. S'il y a des filles qui veulent aller s'inscrire dans le programme des rebelles, je sais que à l'époque ils pratiquaient tous à Matadachouan et puis ils étaient tous regroupés ensemble, ils pratiquaient sur semaine aussi. Ouais, mais je te parle moi de jouer dans une ligue comme vous allez faire, mais féminine. Je sais pas si elle existe, mais c'est pour ça que je te pose la question. Là. Puis si c'est dans les. Ah, ouais. Je sais que ça se fait au niveau collégial là, plus. Ouais. Dans le scolaire, c'est une bonne question. Ça peut en venir à là, c'est sûr. Ouais. Ben, Sébastien Gaudreau, on se reparle on va se reparler très bientôt quand l'entraînement s'en vient, puis on se reparle. Super, merci beaucoup. Voilà celui qui est en charge du programme des Aigles de Roberval, Sébastien Gaudreau.